Section 18, chapitre 18. Pour son entretien avec son oncle, Georges avait besoin du tête-à-tête. Il fallait qu'il ne fût pas dérangé avant d'avoir pu dire tout ce qu'il voulait dire. Il fallait surtout que Charlotte, survenant tout à coup, comme il lui arrivait souvent dans le cabinet de son père, n'entendît pas le plus petit mot de leur conversation. Heureusement pour l'exécution de son dessein, ce tête-à-tête n'était pas difficile à trouver. Il n'était pas besoin d'employer d'habiles préparations pour l'obtenir. M. de la Hérodière se levait en effet de grand matin, et le premier de tous dans sa maison. C'était une habitude qu'il avait prise autrefois quand il était dans l'administration, et qu'il n'avait guère à donner à l'étude que les heures qu'il prélevait sur son sommeil, le matin et le soir. Après n'avoir dormi que 7 heures par nuit pendant 30 ans, il n'avait pu changer cette habitude le jour où il avait eu sa liberté. Ce n'est pas à 60 ans qu'on reste longtemps au lit et qu'on fait la grasse matinée. Tous les jours, à 5 heures, il était levé, et après avoir fait sa barbe à l'eau froide, il descendait l'hiver dans son cabinet de travail, dont il ouvrait lui-même les volets, l'été dans son jardin. Depuis qu'il avait fait la découverte de son Jochen Mueding, il y courait aussitôt levé, et jusqu'à l'heure du déjeuner, on était sûr de le trouver là, à moitié enterré dans les débris de coquilles, piochant doucement dans le tas et examinant chaque débris informe avec une attention qui n'eût pas été plus vive qu'un chercheur d'or ou de diamants. Il avait attaqué son amas de détritus qui formait une butte allongée en marchant de l'est à l'ouest, de sorte que les rayons obliques du soleil levant frappaient contre la paroi qui avait été entamée. Par ce moyen, la lumière du soleil agissait comme s'il eût projeté celle d'une lampe sur le tas qu'il fouillait, et donnant ainsi aux objets mis à jour après tant de siècles d'enfouissement toute leur valeur. Tous, les uns après les autres, lui passaient par les mains, et les retournaient, les examinaient sous toutes leurs faces, les sondaient du doigt pour leur faire rendre un son, quelquefois même il les appliquait sur sa langue lorsque ses yeux ou ses oreilles ne lui avaient pas fourni la réponse qu'il cherchait. Le plus souvent, l'objet ainsi examiné était rejeté au loin comme insignifiant, mais parfois aussi il était précieusement déposé dans une corbeille. Naturellement, dans ces amas de débris, tout ce qu'on trouve n'a pas la même valeur. Il y a des milliers et des milliers de coquilles qui ne sont que de vulgaires écailles d'huîtres ou de moules, mais encore faut-il les voir toutes les unes après les autres. Parmi les huîtres et les moules, il y a des Vénus, des Bucins, et même parmi les arêtes de limandes et d'anguilles, il y a aussi des arêtes de harengs. Et les harengs, ne se pêchant qu'en pleine mer, il résulte de cette trouvaille que les hommes de ces temps préhistoriques savaient construire des barques capables de naviguer au large. Les ossements de cerfs, de sangliers, d'ours, d'urus, de castors étaient souvent incomplets, et ceux qui manquaient étaient précisément ceux que les chiens mangent ordinairement, de sorte qu'on pouvait, de cette absence de certains os, tirer cette conclusion que le chien était déjà réduit en domesticité et que les hommes de ces époques l'utilisaient pour la chasse. Une pointe de lance en silex dentelé, une pointe de flèche, un poignard en silex, un harpon en os, disaient quelles étaient les armes en usage dans ces chasses. Un hameçon en os, une pierre pour tenir les filets au fond de l'eau, et un flotteur pour les maintenir à la surface, indiquaient quels étaient les instruments de pêche. Si Cuvier a pu, avec une dent, reconstituer les animaux fossiles, avec un morceau de poterie, avec un collier en ambre, avec une arme, un ustensile de ménage, un objet de toilette, on peut reconstituer la vie et les mœurs de ces âges reculés, et savoir ce qu'étaient les anciens habitants de notre globe. C'était par là que ces recherches passionnaient M. de la Hérodière. Elles donnaient un emploi aux connaissances variées qu'il avait travaillé à acquérir pendant 40 années. Et en même temps qu'elles étaient d'étape en étape une confirmation pour ses croyances philosophiques, elles étaient une excitation continuelle pour son imagination, toujours pleine de jeunesse et d'activité. Il n'y avait en lui rien du savant prudent, qui, avant d'examiner une idée, se demande si elle est orthodoxe ou conforme aux croyances à la mode dans l'académie, et le nez baissé sur ses coquilles, il se donnait carrière hardiment, librement. Que de problèmes, que de théories n'échafaudait-il pas aussi sans s'inquiéter de la science officielle, n'ayant d'autre souci que de satisfaire lui-même, certain de trouver son oncle au travail et de pouvoir l'entretenir seul pendant tout le temps nécessaire, Georges se décida à aller le lendemain matin au Cochen Moeding. Pour cela, il est vrai qu'il fallait se lever de bonne heure, ce qui n'était guère agréable, mais enfin, on pouvait bien faire ce sacrifice pour cette pauvre petite Charlotte. En somme, c'était assurer son bonheur, car il était bien certain qu'elle ne pouvait être que très heureuse avec un excellent garçon tel qu'Emmanuel. Et puis, c'était réellement un mariage magnifique pour elle, 200 000 francs de rente. Si elle venait à Paris, comme cela était probable, ce serait une très agréable maison, où l'on pourrait de temps en temps passer une soirée. Elle ferait très bien dans une tribune au corps législatif, et l'on pourrait lui donner des billets pour les séances à sensation. Quelle est cette jolie femme que vous saluez, ma cousine ? Ce fut dans ces dispositions d'esprit que Georges se rendit à la grève. Le soleil, levé depuis quelques minutes à peine, ne s'était pas encore dégagé des vapeurs du matin, et cependant M. de la Hérodière était déjà au travail. Un douanier, enveloppé dans son manteau, dont le col était relevé jusqu'aux oreilles, se tenait devant lui, appuyé sur son fusil, regardant dans une contemplation songeuse ce vieux sorcier qui s'amusait à remuer des coquilles. Cela ne faisait pas l'affaire de Georges, mais, désespérant sans doute de comprendre jamais le plaisir qu'on pouvait éprouver à quitter son lit si matin pour venir piocher une butte de sable, le douanier ne tarda pas à regagner sa hutte où, après s'être assuré qu'il n'y avait pas de navire en vue, il reprit son somme interrompu. « Comment ? » dit M. de la Hérodière en voyant son neveu. « Tu te lèves maintenant à 6 heures du matin ? Es-tu malade ?»« Non, mon oncle, mais j'avais besoin de vous parler, sans que personne pût nous entendre, et j'ai pensé que cet endroit nous assurait toute liberté. » M. de la Hérodière laissa tomber la coquille qu'il tenait entre les doigts, et pendant quelques secondes, il regarda son neveu. Il n'avait pas besoin qu'on lui en dît davantage. C'était de Charlotte qu'il allait être question, de son mariage. Son cœur se serra. Le moment de la responsabilité définitive, si longtemps différée, était arrivé. « Le délai que vous m'avez imposé, continua Georges, va expirer. Il faut donc, mon oncle, que nous prenions un parti. » « Sans doute, il le faut. Mais avant de te faire connaître mes intentions, j'ai besoin de me consulter avec ma fille. Je te demande pour cela quelques jours. Nous sommes aujourd'hui mardi, veux-tu attendre jusqu'à dimanche ? Pour la question que nous avons à traiter, une remise est inutile, car en ce moment, ce n'est pas des sentiments de ma cousine qu'il s'agit, mais des vôtres. Cependant, je ne dois pas, en une affaire aussi grave, n'avoir égard qu'à mes seuls sentiments. Parlons net, mon oncle. Vous m'avez toujours témoigné une très grande bonté, et c'est à votre générosité que je dois l'instruction que j'ai reçue. Cependant, malgré cette générosité et cette bonté dont vous m'avez donné tant de preuves, il n'en est pas moins vrai, n'est-ce pas, que vous n'avez pas pour moi les sentiments d'un père pour son enfant. C'est Charlotte qui est mon enfant, tu es mon neveu. J'aurais voulu prendre dans votre cœur la place d'un fils. J'aurais voulu aussi que tu la prisses. Enfin, ce qui est malheureusement certain, c'est que je ne l'occupe point. Permets un peu. J'ai pour toi beaucoup d'affection, de l'amitié, et je suis surpris, je suis peiné de voir que tu en doutes. Douter de votre affection, douter de votre amitié, moi, mon oncle, vous pouvez me croire capable d'une pareille bassesse ? Alors, que dis-tu donc ? Je dis, mon oncle, que vous ne me considérez pas comme votre fils, mais de là à douter de votre tendresse, il y a la mer à franchir. Monsieur de la Hérodière, surpris de la tournure que prenait l'entretien, resta sans répondre, cherchant à deviner où son neveu voulait en venir. « Pourquoi n'ai-je pas pris cette place ? » continua Georges. « Incontestablement, c'est ma faute, ou plutôt c'est celle de mon caractère et de ma nature. Mes idées ont blessé les vôtres, et je n'ai pas su vous faire le sacrifice de mes idées. »« Fallait-il que je te fisse le sacrifice des miennes ?» C'est un grand malheur qu'il n'y ait point eu plus de souplesse dans mon caractère. Et assurément, j'aurais dû vous écouter quand vous vouliez me faire prendre une autre voie que celle que j'ai suivie. Je l'ai essayé, maintes fois après vos observations, je me suis dit que vous aviez raison, et que je devais me conformer à vos avis. Je n'ai pas pu. Il est encore temps, et si tu veux. Non, mon oncle, il est trop tard, et ce que je n'ai pas voulu faire quand j'avais 22 ou 23 ans, je ne le pourrai pas aujourd'hui que j'en ai 30. Je prendrai l'engagement que vous me demandez, je ne le tiendrai pas. Je ne le prendrai donc pas, car ce serait vous tromper. Tout ce que je veux à ce sujet, c'est que vous apportiez une certaine indulgence dans votre jugement, et que vous compreniez que ceux qui ont été élevés dans la pauvreté peuvent avoir des convoitises que ne connaissent pas ceux qui n'ont jamais formé que des désirs qu'ils s'avèrent réalisables. Mais je ne veux pas insister là-dessus ni plaider les circonstances atténuantes. Ce n'est pas la question. « Mais où veux-tu donc en arriver ?» demanda M. de La Hérodière, se perdant dans ce flux de paroles. « À ceci, mon oncle. Pendant de longues années, je me suis flatté de l'idée d'être un jour le mari de Charlotte. Je peux même dire que j'ai vécu de cette idée. Je n'étais pas moins heureux d'espérer qu'elle serait ma femme que de penser que je serais votre fils. Aussi cela a-t-il été pour moi un profond chagrin de voir que chaque année, les efforts que je faisais pour avancer dans la vie creusaient entre nous un fossé de plus en plus profond, si bien qu'au lieu de nous rapprocher, nous nous éloignions l'un de l'autre chaque jour davantage, ou plus justement, vous vous éloigniez de moi. Ce qu'il y avait de terrible dans cette constatation qui crevait les yeux, c'est que le temps marchait et que le moment arrivait où vous auriez à vous prononcer sur ce mariage. Que faire ? Me conformer à vos avis ? Je n'ai pas pu. Vous amener à d'autres idées ? Je ne me suis même pas permis de le tenter. Vous faire l'abandon des miennes ? 10 fois, 100 fois, je l'ai voulu. Je n'en ai pas eu la force. C'est ainsi, mon oncle, que je suis arrivé ici au commencement de ces vacances, et c'est dans ces angoisses que jusqu'à présent je les ai passées. Celle du père n'était pas moins vive que pouvait l'être celle du futur mari. Aussi, mon oncle, c'est parce que je suis arrivé à la conviction qu'elle serait intolérable plus longtemps pour vous comme pour moi, que je me suis résolu à cet entretien. Je ne veux pas préjuger votre réponse, et même je vous prie de ne pas me la faire connaître. Mais en supposant que vous me donniez votre consentement à mon mariage avec votre fille, il est certain que ce consentement ne serait pas libre. J'en ai pour preuve ce que vous m'avez dit tout à l'heure en parlant de vos sentiments. Peut-être par faiblesse pour Charlotte et par pitié pour moi, vous laisseriez-vous arracher ce consentement. Mais vous auriez la conviction qu'un mariage ainsi fait ne peut pas rendre votre fille heureuse. Moi, de mon côté, j'ai la conviction qu'il ne peut faire le bonheur ni du père, ni de la femme, ni du mari. Je viens donc vous dire que je renonce au projet conçu par ma pauvre tante. J'espérais être votre fils. Je ne pourrai jamais me résigner à n'être que votre gendre. Fin de la section 18.